travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Oui, on nous racontait des histoires de revenants et puis des bêtes fabuleuses, des choses comme ça. Mais je crois qu'on disait ça aux enfants pour les faire rentrer avant la nuit. Pour qu'ils ne laissent pas galvauder dans les chemins trop tard. Après l'Angelus, il était dangereux de rester dehors. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, c'est Jules Laforgue qui s'écriait dans un vers fameux d'un poème qu'il avait intitulé « Complainte sur certains ennuis »« Ah, ah, que la vie est quotidienne !» Vous conviendrez sans doute qu'on pourrait trouver là une épigraphe pour les temps très lourds que nous vivons actuellement. Eh bien ce matin, je vais vous proposer par contraste et je dirais par salubrité une escapade à bonne distance de cette pesanteur-là. Une escapade du côté du rêve et pourquoi pas, du côté de nos enfances. Nous allons à cette fin parler de qui, de quoi, eh bien, des croque-mitaines, de ces personnages fabuleux qui, depuis des siècles, viennent tournoyer autour des petites filles et des petits garçons en les incitant à la sagesse par toutes sortes d'effrayantes menaces et parfois de consolations bourrues. Certains adultes même affirment les avoir aperçus. Nous nous garderons bien sûr dans ces conditions de trancher sur l'existence réelle des croque-mitaines. L'objectif sera de restituer un monde profus de figures multiformes, qu'elles aient un aspect plus ou moins humain ou qu'elles prennent la forme d'animaux dans l'onde ou sur la terre, qu'elles revêtent l'aspect de morceaux détachés d'un corps démantelé ou qu'elles ne soient qu'ombres ou paroles surgissant du mystère. Et naturellement, il faudra se demander quel est leur rôle, d'âge en âge, dans l'éducation des enfants, entre l'angoisse délétère et la peur salutaire, entre les tentations sadiques et la protection des jeunes êtres contre les dangers du monde alentour. Jacques Berlioz, mon invité, éminent médiéviste, directeur de recherche au CNRS, est sans conteste l'un de nos meilleurs croque-mitainologues. Ce sujet le passionne de longue date. Il a dirigé naguère l'école des chartes et ce sérieux-là ne peut que garantir celui de notre émission. Une émission qui, parmi tant de fantômes, va en avoir certainement besoin. Mangera tous les petits gars qui ne dorment pas. sonne sur Ballanche, un pigeon tombe du clocher. Quel est donc ce bruit de branche que l'on traîne, que l'on traîne, que l'on traîne sur le plancher? C'est le grand lustre-cruc qui passe, et c'est moi qui viens chercher. Moi, parce que ce soir je ne dors guère, moi, parce que ce soir je ne dors pas. Jacques Berlioz, bonjour. Bonjour. Nous ouvrons notre conversation sur une chanson interprétée par les Quatre Barbus, Le Grand Lustucru. On est en 1957. La chanson est tirée de la pièce de Jacques Deval qui avait été donnée en 1934, qui s'appelait Marie Galante, sur une musique du grand Kurt Weill. Et la chanson, le texte de la chanson était de Théodore Botrel, l'auteur de la fameuse Ma Pimpolaise. Voilà beaucoup de talents rassemblés autour de nos croque-mitaines, non? Effectivement. Et là, je veux dire, avec cette chanson, on est droit dans le sujet. Le père Lustucru est un personnage qui remonte au XVIIe siècle, qui était un médecin et en même temps un forgeron qui réformait la tête des femmes. Comment ça? Mais, c'est-à-dire des femmes savantes, des femmes qui déviaient de leur rôle principal de mère et d'épouse, et précieuses ridicules en quelque sorte, et il fallait leur refaire en quelque sorte la tête. Et La tête au carré, c'est là où le père Lustucru intervenait. Et donc ce personnage qui, au départ, est fait pour les adultes, devient peu à peu un croque-mitaine et parmi un des plus répandus avec d'autres, le père Fêtard, etc. Avec déjà quelques thèmes que nous allons avoir à évoquer. Il y a de la pierre, il y a de l'eau. Oui, il y a de la pierre, il y a de l'eau. Il y a surtout le fait que le père Lustucru va avaler les enfants. Et ça c'est un des traits premiers du croque-mitaine qui avale, qui dévore ou qui aspire, qui traîne dans l'eau. Ça, c'est évident. Et donc là, avec cette chanson, on a déjà quasiment tous les grands thèmes de nos croque-mitaines. Alors, les croque-mitaines, il faudrait d'abord que nous sachions, grâce à vous, Jacques Berlioz, d'où vient la formule. Elle n'est pas si claire que ça, cette origine. Non, malheureusement, je ne vais pas pouvoir apporter beaucoup de choses sur ce plan, parce que l'étymologie du mot croque-mitaine reste mystérieuse. Enfin, en tous les cas, le mot apparaîtrait au sens de personnage qui est donné, en quelque sorte, suscité par les parents pour faire peur aux enfants. Ce sens n'apparaît qu'au début du XIXe siècle. Il est donc formé de deux mots, hein, de croque et de mitaine. Alors pour croque, c'est assez simple, hein, quoique ça peut vouloir dire soit croquer, manger, soit alors attraper, crocher, attraper avec un croc. Bien. Donc déjà, les choses sont compliquées au départ. Et puis, mitaine. Mitaine. Alors mitaine, je veux dire, c'est encore plus compliqué. On trouve dans une sottise, dans une farce du XVe siècle, la phrase suivante, « Croque, croque mon ami, croque cette mitaine ». Et cela voudrait dire « prends ma main », en quelque sorte. C'est un peu l'équivalent d'une gifle. Une mitaine, d'ailleurs, aujourd'hui, naguère, c'était... Oui, un gant sans doigt. Ça peut vouloir dire aussi une patte de chat. Parce que mythe, c'est aussi oui, ça peut renvoyer, dans l'ancien français, non? Oui, ça peut renvoyer au chat. Donc, croque-chat, c'est-à-dire un chat qui croque. Bon. Certains font venir mitaine de Mädchen, la jeune fille, soit de l'allemand, soit de son équivalent néerlandais. Donc, c'est celui qui croque les jeunes filles. Enfin, en tous les cas, nous avons donc ce croque-mitaine qui est très intéressant pour nous parce que déjà au départ, il est mystérieux. Je vois aussi que le mot pourrait suggérer l'idée d'un mangeur de doigts puisque c'est une patte de chat ou griffe rentrée. Et par conséquent, il y aurait l'idée d'empêcher les bambins de sucer leurs pouces. Oui, ça j'y crois un peu moins parce que... C'est farfelu. C'est peut-être la bonne étymologie, hein, parce que on est dans le brouillard, si l'on peut dire. Mais le croque-mitaine a une fonction beaucoup plus vaste que celle d'empêcher les enfants de sucer leur pouce, à mon avis. Mais l'étymologie, pourquoi pas, on peut l'adopter si vous le voulez. Je vous remercie de votre bienveillance. Nous devons partir du 19e siècle, puisque c'est à ce moment-là que le mot a fait florès, Jacques Berlioz, et puis ensuite nous essaierons de chercher plus loin en arrière quelles peuvent être les racines du croque-mitaine, avant que le croque-mitaine soit désigné en tant que tel. Il faut rendre hommage là à ce grand folkloriste et ethnologue qui était Arnold van Gennep, qui a vécu au tournant du 19e et du 20e siècle, et qui a publié ce fameux manuel de folklore français contemporain, qui est une mine admirable du point de vue qui nous occupe. Oui, et puis qui s'est intéressé directement aux êtres fantastiques qui longtemps ont été écartés, sinon méprisés par les chercheurs. Mais il faut dire qu'avant Arnold van Gennep, il y a eu Paul Sébillot, qui est un grand créateur, quasiment, enfin grand folkloriste, et qui, en 1903... C'est une génération avant. Une génération avant lance une grande enquête dans la Revue des Arts et Traditions Populaires, une grande enquête sur les croque-mitaines. C'est-à-dire qu'il dit à tous les folkloristes de France et de Navarre, qu'est-ce que vous avez dans vos dossiers sur les croque-mitaines. Et donc la revue publie pendant quasiment 10 ans de très courtes notices, mais qui sont extrêmement importantes, parce qu'elles auraient pu disparaître, enfin leur contenu aurait pu disparaître, et qui dit, ben voilà, dans le Béarn, en Bretagne, en Savoie, ben nous avons tel ou tel croque-mitaine. Sébillot aurait aimé faire une synthèse, il ne l'a pas faite, et d'ailleurs pendant très longtemps, hormis les travaux d'Arnold van Gennep, il n'y a pas eu de véritable synthèse sur ces croque-mitaines. Bien que, si je comprends bien, oui. Sébillot ait l'idée qu'il pouvait y avoir des composantes universelles. Il écrivait « Les enfants ont en Europe, et vraisemblablement chez tous les peuples, une sorte de mythologie particulière. » Voilà, la mythologie de l'enfance, ça c'est très important. Et de voir également que le croque-mitaine n'est pas seulement naturellement français, mais on le trouve dans tous les pays, quasiment, avec d'ailleurs des constantes. On peut le voir, on pourra en reparler, mais au Japon, en Chine, partout, vous avez les croque-mitaines, dans les Andes, en Afrique, et avec quasiment les mêmes fonctions. Avec des formes différentes, on peut en faire l'inventaire. Nos grands folkloristes avaient commencé. Il y a les anthropomorphes, les ogres, les géants, les nains, les vieilles, le marchand de sable. C'est une sorte d'inventaire que nous allons développer tout à l'heure. Ce qui était une partie du corps, je le disais, un bras, une main qui surgissait, un œil, une jambe. C'est plus effrayant encore. Et ceux qui sont zoomorphes, c'est-à-dire le loup-garou. Et puis il y a tous ces êtres verbaux qui sont assez difficiles à saisir et qui s'expriment par des ombres ou par des sons. Oui, par des sons. Effectivement, on a beaucoup de mal à classer les croque-mitaines. D'abord, il y en a beaucoup. C'est-à-dire, et on pourrait même rêver qu'un auteur comme Valère Novarina, par exemple, ou d'autres, puissent reprendre tous les mots qui désignent le croque-mitaine et qui permettrait de faire un livre admirable. Rien que pour le Dauphiné, hein, par exemple, qu'a étudié Charles Joisten, 258 croque-mitaines pour répertorier pour l'époque moderne, pour le seul Dauphiné et la seule Savoie, Ando, Anne-Volant, Antimoine, Armandjin, Babaou, Balantaine, Banet, etc. Et c'est absolument prodigieux, et quasiment pour tous les pays, vous avez cette profusion. Pour la Wallonie, par exemple, qui a été très bien étudiée. C'est un des rares pays où il y a eu un inventaire complet. Tishkens en a répertorié des centaines. Et pour tous les pays, la Russie, le Japon ou d'autres, nous avons une profusion. Et cela veut dire, il faut le dire tout de suite, que le croque-mitaine certes, est dans ce qu'il fait, ce qu'on fait croire aux enfants qu'il fait, mais il est d'abord dans son nom. Il est d'abord dans son nom, et c'est cette richesse, cette puissance du nom qui est extrêmement, enfin pour le chercheur, pour l'ethnologue, est extrêmement importante et intéressante. Parce qu'il y a un contrat de croyance qui est passé entre les parents et l'enfant et qui, le plus souvent, repose sur un seul nom. Et donc c'est l'imagination, alors soit des parents qui peuvent développer en disant voilà, c'est sur le monde, c'est un personnage qui fait telle ou telle chose, soit de l'enfant qui, à partir de ce nom, peut imaginer aussi ce qu'il fait. Alors, il y a des noms relativement simples, bon, le père Fouettard, celui qui fouette, etc. Mais il y a des noms beaucoup plus compliqués. Par exemple Par exemple, vous avez à Lille, c'est un croque-mitaine zoomorphe, la loripette. Bon, la loripette, alors il paraît qu'elle a des yeux rouges effrayants, et il faut fermer les yeux pour ne pas la voir. Bon, vous avez loup drapé, on avait énormément comme ça, qui par leur nom peuvent pousser l'imagination. Mais le nom ne surgit pas de rien. Alors, le nom ne surgit pas de rien. Certains noms sont liés à certaines caractéristiques. Par exemple, lorsque vous avez, chose simple, la main verte, par exemple, attention, la main, c'est une main qui est colorée, donc main rouge, main verte, main noire, etc. Vous avez aussi les noms de croque-mitaines qui viennent de démons ou de dragons qui sont employés déjà par les adultes. Par exemple, le graouillis, qui était un dragon que l'on menait en procession à Metz, devient un croque-mitaine. Et qui est lié au mot de gargouille, semble-t-il. Oui, au mot de gargouille. Alors, il y a beaucoup de croque-mitaines qui sont constitués, enfin, dont le nom est constitué à partir d'onomatopées. Babou. Oui. Babou, c'est quoi? C'est un des noms de croque-mitaines parmi les plus répandus dans le monde. Babao, par exemple, c'est le croque-mitaine. C'est le nom, par exemple, de la Dino Buzzati, le grand écrivain italien, a consacré une nouvelle au croque-mitaine, une nouvelle d'ailleurs assez triste. Bon, je ne veux pas dévoiler la fin, mais enfin. Dites quand même. La nourrice de son enfant parlait du baba ou du croque-mitaine à son enfant. Et ils disent, on ne doit pas parler de croque-mitaine aux enfants. Bien. Mais le baba lui apparaît à son tour dans ses rêves. Et d'ailleurs, sous la figure de son patron, qu'il détestait. Et il décide le conseil municipal, il pousse le conseil municipal à détruire ce croque-mitaine. Alors, il y a des protestations, disant, mais non, c'est même un patrimoine culturel, en plus, il ne fait pas de mal, il ne faut pas le détruire. Et puis, finalement, il dit, si, quand même, il faut le détruire, il met en cause la sécurité publique. Et on décide, donc, de tuer le croque-mitaine. Les policiers ne sont pas très chauds pour le faire. Et puis, finalement, quelques rafales de pistolets mitrailleurs viennent à bout du croque-mitaine qui saigne beaucoup et qui disparaît. Voilà. Donc ça, c'est le babao. C'est le babao italien. C'est un triste destin. C'est un triste destin. Et d'ailleurs, Dino Buzzati dit que, en fait, c'est une métaphore de la condamnation par la civilisation actuelle de l'imagination. C'est l'auteur du désert des Tartares. Et qu'il faut lutter. Il faut lutter. D'ailleurs, on pourra sans doute y revenir, mais le croque-mitaine est l'incarnation de combat à mener. Mais il dit qu'il faut lutter pour la protection de ces croque-mitaines. Donc le babao, c'est un croque-mitaine assez particulier qui s'adresse sans doute aux très jeunes enfants. Et on a des attestations médiévales. Et enfin, j'en ai trouvé une dans un prédicateur du XIIIe siècle. C'est ça en partie qui m'a fait lancer sur ces recherches autour des croque-mitaines. Autant dire que vous nous promettez un grand livre sur les croque-mitaines de synthèse. C'est une sorte de bande-annonce que nous proposons aujourd'hui. Si vous le voulez, oui, oui. Voilà, j'ai réuni déjà quelques documentations pour faire cet ouvrage. Donc, pour le babao, il y avait une expression qui était « faire babao aux enfants ». Et pendant longtemps, on s'est demandé ce que cela voulait dire. En fait, au XIIIe siècle, et cela a perduré jusqu'à nos jours, c'est se cacher le visage et le dévoiler brusquement en disant « Bow » ou « Babao ». Et ça s'adresse aux très jeunes enfants qui connaissent le visage de la mère, qui ne connaissent d'ailleurs que celui-ci. Et lorsqu'ils voient un visage étranger, cela leur fait extrêmement peur. Donc la mère ou la nourrice, plutôt la mère, qui cache son visage, fait peur à l'enfant et en le dévoilant, en faisant « babao », rend à l'enfant en quelque sorte son visage. Alors à quoi cela servait-il pour les jeunes enfants? Au XIIIe siècle, le prédicateur dit que cela servait à leur faire très peur. Mais pourquoi? Pour dormir, pour qu'ils arrêtent de crier. C'est sans doute cette raison. Mais après, le babao est devenu le barboire, sans doute muni d'une barbe. Et on pense que l'on se munissait aussi d'un masque qui portait une barbe et qui servait à faire peur soit aux enfants, soit aux jeunes élèves. Mais c'est là qu'on retrouve le marchand de sable des contes d'Hoffmann, un méchant homme qui vient voir les enfants qui ne veulent pas aller au lit, leur jette des poignées de sable dans les yeux, et ses yeux tombent sanglants à terre. Ils sont là perchés sur leur nid, avec des bêtes crochues comme ceux du hibou, et ils picorent les yeux des petits-enfants qui n'ont pas été sages. Hoffmann en a fait vraiment quelqu'un d'abominable. Sinon, le marchand de sable, enfin, pensons à la télévision de nos jeunes années, où le marchand de sable était tout à fait sympathique. Bonsoir les petits. Bonsoir les petits. Oui, l'ambivalence règne chez les croque-mitaines. Saint-Nicolas, par exemple, qui est bienveillant envers les enfants, qui peut les ressusciter. Tiré du saloir. Voilà, et peut également être méchant, surtout d'ailleurs par l'intermédiaire de son domestique, Nicodème, qui les met dans un sac et les bat de verge. Et donc cela attire Saint-Nicolas du côté du croque-mitaine, c'est-à-dire du méchant personnage. Le Père Noël également. Surtout le fait que les enfants ont peur des barbes. Et la barbe fait peur. La barbe fait peur. Vous avez vous-même un témoignage? C'est-à-dire que oui, lorsque j'étais très, très jeune, on m'avait présenté... Encore plus jeune? Oui, un ami de mes parents qui était peintre, qui avait une très grande barbe. Et j'en ai eu très peur, pleurais, et il en rajoutait en disant « mais c'est la barbe du Père Noël ». Je criais d'autant plus fort, m'a-t-on raconté. Et j'ai eu des difficultés à parler pendant assez longtemps. Bègue ? Bègue, oui. Je suis content que vous soyez guéri avant cette émission. Je vous remercie. Mais je voudrais vous conduire vers une autre apparence des croque-mitaines, c'est-à-dire la lune. Voici une interview de l'écrivaine bretonne Naïg Rosemort à ce propos. La lune croque-mitaine de son enfance, en fait, c'est un extrait de l'émission des Nuits magnétiques de Catherine Soulard sur France Culture le 10 janvier 1997. Écoutez cette écrivaine bretonne. Ici, on se servait volontiers de la lune pour faire tenir tranquilles les enfants. La lune, c'était le croque-mitaine. Si tu la regardes fixement, elle va t'avaler. Regarde, elle a déjà absorbé ce monsieur. C'était un brave homme qui rentrait des champs, un fagot sur le dos. Il s'est appuyé au talus pour se reposer un peu. Et comme il regardait la lune avec beaucoup de curiosité, elle a avalé et il y est depuis. Alors nous, les enfants, nous faisions bien attention à ne pas la regarder fixement. Je pense que c'était un peu traumatisant. Peut-être pas dans le contexte familial, mais c'était également exploité à un autre niveau. Je me souviens, lorsque j'étais interne dans une école, c'était la punition classique. Les enfants qui avaient une faute à se faire pardonner, la punition était celle-ci. Vous agenouillez devant la fenêtre ouverte en chemise de nuit et vous regardez fixement la lune. C'était 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, selon la gravité de la faute. J'ai connu cette soupe, mais je ne voyais pas la lune parce que d'abord je pleurais et puis je fermais les yeux. Je me disais, elle me voit, mais je ne la regarderai pas. À ce moment-là, c'était vraiment pas la lune sympathique. C'était la lune qui libérait nos loups-garous. C'était elle qui était responsable, qui faisait hurler mon chien. Elle était donc méchante. Et puis, elle avalait les petits-enfants qui la regardaient. Mais plus tard, quand libérée de ses peurs enfantines, j'ai perçu le côté positif de la Lune. C'était déjà à l'adolescence. C'est la Lune, je lui dois cela. C'est la Lune qui a conjuré ma peur naturelle du noir. J'avais peur du noir. Et je ne sais pas si les jeunes générations peuvent bien s'imaginer ce que c'était le noir des nuits paysannes. C'était un noir intégral. Alors voilà la Lune. Il y a beaucoup de composantes ici de notre thème, c'est-à-dire les croque-mitaines, la Lune, la peur, l'étrange dialogue avec ce qu'on regarde et ce qu'on dissimule en fermant les yeux. Oui, mais c'est un texte en ethnotexte, comme l'on disait dans les années 1970, extrêmement riche et qui pose d'ailleurs quelques problèmes. Puisque là, en fait, l'enfant ne doit pas regarder fixement la Lune. On peut demander pourquoi. Il y a plusieurs solutions, c'est-à-dire, premièrement, l'enfant est couché, ne veut pas dormir, et donc regarde par la fenêtre et regarde fixement la Lune, en écarquillant les yeux, et donc en ne dormant pas. Il peut y avoir aussi l'interdiction de sortir le soir, à la Lune, précisément. Parce que c'est dangereux, parce qu'il y a des périls alentour. Oui, voilà, les périls de la nuit, qui sont d'ailleurs soulignés. Hein. Ici, il ne faut surtout pas sortir. En Bretagne particulièrement, il y a un grand nombre de croque-mitaines qui interviennent autour de l'interdiction de longer les grèves, par exemple, la nuit. La marée peut monter, il y a un grand nombre de dangers. Et puis le danger de l'eau. Et puis également en Bretagne, les forêts, le fait de se perdre et d'être attaqué par les animaux. Là, on retrouve toutes les mythologies, les contes, des petits poussets et autres. Voilà. Et puis, il pourrait y avoir également, alors, toute une mythologie autour de la pleine lune. La pleine lune qui rend fou, etc. Donc, peut-être une crainte à ce moment-là, moins de l'enfant que des adultes, qui serait transmise aux enfants. Et puis, vous avez ici un récit qui est assez curieux de l'homme au fagot, qui est une victime, mais qui le plus souvent d'ailleurs est un croque-mitaine. C'est-à-dire que l'homme qui vient de la Lune chercher les enfants, on trouve ça dans le Dauphiné du Sud, c'est l'Armandien, qui a un visage effrayant, et qui vient chercher les enfants qui ne dorment pas pour les emporter dans la Lune. Précisément. On voit aussi dans ce que dit la conteuse, c'est la résistance aussi de l'enfant. Elle résiste, soit de façon involontaire puisqu'elle pleure, soit de façon volontaire en fermant les yeux. Et ça, c'est très important, cette résistance que peuvent avoir les enfants aux croque-mitaines. On le trouve au Moyen-Âge, par exemple. Ah oui. Où j'ai parlé tout à l'heure du masque barbu qui servait à faire peur, employé par les mères ou par les pédagogues. Eh bien, on trouve dans des images qui ont été découvertes par Daniel Alexandre Bidon, spécialiste des images des croque-mitaines, où on voit des enfants qui jouent à se faire peur avec un masque de croque-mitaine. C'est-à-dire qu'ils jouent eux-mêmes au croque-mitaine. Il y a donc une résistance. C'est-à-dire après avoir été soumis au croque-mitaine, eh bien, quelque temps après, ils jouent eux-mêmes au croque-mitaine. Et on retrouve ça d'ailleurs dans certains ouvrages publiés aujourd'hui, dans Max et les Maxi-monstres par exemple, ouvrage paru en 1953 de Maurice Sindac. On trouve un enfant qui est déguisé en loup et qui décide de partir au pays des monstres, des Maxi-monstres, et il devient leur chef, c'est-à-dire qu'il devient lui-même un croque-mitaine. Et puis au bout de quelques années, un an, je crois, ou deux, il en a assez, et il revient, et tous les croque-mitaines, les monstres, pleurent, mais il décide de rentrer chez lui. Quand il arrive chez lui, son repas est prêt dans sa chambre. Donc l'enfant, en fait, triomphe du croque-mitaine en l'assimilant comme lui-même, pour éviter d'en être terrorisé. Et ça, c'est un trait actuel, d'ailleurs, des croque-mitaines, où dans les ouvrages d'ailleurs où ils peuvent apparaître, c'est-à-dire que l'enfant soit devient leur ami et ou devient lui-même un croque-mitaine. Dans Rabelais, on voit que Panurge fait le babou en signe de dérision. Gargantua joue au babou. Il se babou, saisit oui, de cette... c'est lié au singe aussi, hein, au Moyen-Âge notamment, hein, le singe grimaçant. Alors avec à la fois cet aspect qu'on peut dire qui tire vers le rire, mais vers un rire assez méchant. Là encore, on voit toute l'ambiguïté des croque-mitaines ici, car à la fois qui peut être à la fois très méchant et à la fois au bout d'un moment on peut s'en moquer. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. À travers toutes ces citations, à travers cette évocation, on retrouve constamment le thème de la peur dont il faut triompher ou qui peut servir comme instrument aux parents pour garder les enfants dans la droite ligne. Ça peut être l'angoisse, ça peut être la crainte, ça peut être l'effroi, ça peut être la panique, ça peut être l'épouvante ou la terreur. C'est pour ça que lorsqu'on aborde les croque-mitaines, qui semble un sujet effectivement léger, c'est la peur qui est mise en avant. Les choses sont un peu complexes parce que quand les parents font peur aux enfants avec le croque-mitaine, c'est l'établissement d'une menace. Hein. Si tu ne fais pas ça, tel personnage va venir pour te manger, par exemple, ou t'enlever, te porter dans la lune, etc. Donc il y a une première peur. Mais en même temps, et c'est là où on voit qu'il y a une manipulation certaine, c'est que le parent est en même temps protecteur. C'est-à-dire, il dit, si tu as peur, je suis là. Et on trouve ça, d'ailleurs, chez un auteur qui a décrit très bien cela, c'est Giovanni Pontano, en 1503. Vous savez, les humanistes étaient farouchement opposés aux croque-mitaines. Ils n'étaient pas pour montrer la violence aux enfants. Ils disaient, vous pouvez les emmener voir une condamnation à mort, enfin un supplice, une exécution. Une exécution. Comme ça, ils verront qu'il ne faut pas faire le mal parce que c'est dangereux. Mais en revanche, les croque-mitaines, non. Et ils dénonçaient le fait que certaines mères utilisaient des croque-mitaines, des histoires, dans des histoires abominables, pour dire aussitôt après, ah oui, mais je vais te protéger, et faire semblant de lutter contre le croque-mitaine qui arrive en disant, non, non, croque-mitaine, arrêtez. Ne venez pas parce que mon petit s'endort là, c'est fini, partez. Au fond, donc, on pourrait dire que la peur devient une protection contre l'angoisse. Non, voilà, alors Nicole Belmont qui a beaucoup étudié, qui a d'ailleurs publié en 1974 un article dans une revue de psychanalyse, une synthèse sur les croque-mitaines, dit que le grand atout des croque-mitaines, c'est de transformer l'angoisse, qui n'a pas d'objet, en peur réelle, qu'il y a un objet. C'est à ces décrits que je faisais allusion. Voilà. Et donc, c'est extrêmement intéressant et utile, puisque les croque-mitaines qui sont le plus souvent condamnés, pourchassés, en quelque sorte, notamment par les pédagogies, je vais dire, modernes, enfin depuis la Grèce antique jusqu'à nos jours, pourraient, en fait, être utiles, transformant précisément cette angoisse diffuse de l'enfant en peur réelle, et une peur qui peut être interrompue par les parents en disant « mais je te protège ». Voilà. Notre écrivaine bretonne évoquait le loup-garou. Je voudrais que nous nous y arrêtions un instant, Jacques Berlioz, car c'est une des figures de croque-mitaine les plus impressionnantes. Écoutez ce récit qui est porté par un conteur, Jean-Louis Boncoeur. C'est un extrait de l'émission de télévision « Les loups-garous » sur Antenne 2, le 7 juillet 1977. L'histoire de Georges Garou était, au dire de l'ancien qui me l'a rapporté, une histoire vraie. Et mon Dieu, je ne suis pas loin de le croire. Il s'agissait à l'origine d'un jeune homme, un adolescent en somme, dont le physique était étrange. Il ressemblait un peu à ces gitans, avec le cheveu noir, la peau bronzée, d'étranges yeux jaunes, obliques. On avait remarqué aussi qu'il avait les oreilles un peu pointues et les canines longues. On l'employait dans le village comme petit berger, gardeur de cochons. Et on avait remarqué des choses étonnantes dans le voisinage des fermes où il travaillait. Par exemple, on trouvait la nuit des brebis égorgées. des enfants se réveillaient en sursaut la nuit dans leur lit. Et au réveil, on remarquait qu'ils portaient sur les cuisses des morsures, des marques de dents, qui pouvaient être des dents de bête ou des dents de loup. Et en rapprochant ces événements de la présence de Georges, attention, il s'appelait Georges, c'est-à-dire Georget, le nom que le diable porte dans nos campagnes, si on rapprochait la présence de Georget de ces événements, on le soupçonnait d'être, à cause de son physique, un de ces loups-garous dont on parlait à l'époque. Un jour, la petite Marie, son amie, sa seule amie, elle lui dit, ce n'est pas vrai tout ce qu'on raconte sur toi, tous ces bruits qui courent, que tu es un gars loup. Il prend un air supérieur et lui dit, je vais te montrer mon pouvoir. Et il a tracé avec son bâton un cercle autour de lui. Et pendant que la fille se cachait les yeux, très sérieusement, car elle était prude, il s'est dévêtu et... C'est la petite Marie ensuite qui raconte l'histoire. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'ai rien vu autour de moi d'extraordinaire. Les habits étaient là, les sabots, la vieille chemise, le vieux paletot de cuir. Mais en levant les yeux, qu'est-ce que j'ai vu? Un grand loup gris qui galopait vers le troupeau de la Marguerite. Et la fille, qui voyant ce loup surgir vers elle, criait. Alors, guidée par, à la fois par la curiosité et la pitié pour sa camarade, à deux pieds, elle a sauté dans le cercle. Alors il s'est passé une chose extraordinaire. Ce loup, galopant vers les brebis, s'est soudain couché à terre comme frappé à mort. Les brebis sont revenues et les chiens qui avaient fui vers les taillis sont accourus, se sont jetés sur le loup et l'ont mis absolument en pièces. Et on n'a jamais revu dans le pays Georget Garou. Je tiens à préciser, Jacques Berlioz, que ce n'est pas moi qui fais le loup. C'est le talent du réalisateur d'époque qui nous le fait entendre en arrière-fond. Le loup-garou, il vient d'ailleurs que du monde des croque-mitaines à l'origine. C'est à partir du XVIIe siècle qu'il est pris dans le sens général de superstition. Et être guéri du loup-garou, cela veut dire qu'on est guéri des crédulités superstitieuses. Oui, et puis même le loup-garou apparaît... Déjà à l'époque antique, également au Moyen-Âge, avec toujours ce débat autour de la réalité ou non du loup-garou. Hein, c'est-à-dire, c'est un homme ou une femme qui se transforme la nuit en loup. Garou, le mot vient de quoi? On sait? L'étymologie de garou? L'étymologie, encore une fois, reste obscure. Et là, on a... Tant pis, tant pis. Il y a eu quelques études, mais on n'a pas réussi à trouver... ce dont il s'agissait. Enfin, on sait que quand on transforme un homme en loup, soit on endosse une peau de l'animal, soit on retourne la peau humaine dont l'envers serait supposé velu. C'est cela, c'est-à-dire qu'on se dévêt de la peau de l'homme pour revêtir celle de l'animal. Et c'est un thème qui a retenu les philosophes antiques, qui a retenu les pères de l'Église, les théologiens. Les métamorphoses étaient faites pour Ovide. Voilà, exactement. C'est-à-dire que est-ce qu'une métamorphose, c'est un fait réel ou est-ce qu'il s'agit d'une illusion diabolique? Et c'est ce qu'ils défendent, mais certains sont parfois à la limite d'y croire. Hein. C'est sans doute une des croyances qu'on peut dire païennes, dont les théologiens ont le plus de mal à se défaire, en quelque sorte. Une sorte de syncrétisme entre paganisme et christianisme, vous irez jusque-là? Plutôt une croyance païenne qui avait la vie dure. On retrouve ce thème, d'ailleurs, au Moyen-Âge de métamorphose. On pensait, par exemple, que les cigognes, qui ne sont pas des croque-mitaines, les cigognes allaient en Orient, devenaient hommes et revenaient... 6 mois après, sous forme d'oiseau. Mais parfois, la métamorphose n'était pas complète. Alors, il y avait des gens qui avaient un très grand nez rouge, des jambes maigres. On disait, tiens, une cigogne, qui sait pas. Bon. Ce ne sont pas des croque-mitaines, c'est simplement une parenthèse. Mais ici, on le voit très bien. Alors, le récit est intéressant. En plus, il y a cet homme qui s'appelle Georget. On pense que c'est par dérision... à cause de l'échec que lui fit subir Saint-Georges. On est dans le Berry, c'est Georges Sand qui est là. Dans le Berry, le diable était nommé Georget ou Georgeon. Disons que c'est une invention des vieilles commères de campagne, ce Georget. Et il y a le thème du cercle magique, qui est très important, qui est à la fois la maison, quelque sorte, du diable, c'est-à-dire là où il peut se réfugier. D'ailleurs, ici, il se déshabille dans ce cercle, et en même temps, le cercle protège du diable. On retrouve ce thème dans le second Faust de Goethe, par exemple. Et ici, donc, ce cercle qui est diabolique devient protection du diable et devient son piège, en quelque sorte, puisqu'une fois que Marie est entrée dans le cercle, le loup n'a plus aucune défense et est vaincu par les chiens. Donc ça c'est tout à fait important. Et puis, il y a également le rôle de la nuit là qui réapparaît. Ce thème de la nuit est tout à fait fondamental. C'est-à-dire qu'il faut que les enfants, la nuit, dorment et ne sortent pas. Et en Afrique, par exemple, André Julliard a étudié les croque-mitaines africains et montre qu'au Sénégal et en Guinée-Bissau, on ne peut parler des croque-mitaines que la nuit. Vous pouvez en parler le jour, ça n'a aucune importance. Les enfants n'écoutent pas et les parents n'ont pas idée de raconter. Mais il faut attendre la tombée de la nuit. Et là, on peut raconter des histoires de croque-mitaines, notamment zoomorphes, la panthère, la hyène. Et là, les enfants écoutent, mais il faut que ce soit raconté la nuit pour que les enfants ne sortent pas la nuit. Donc oui, dans toutes les civilisations... Donc il n'est pas indu de chercher des invariants dans l'espace et dans le temps. Permettez-moi de revenir un instant dans l'Antiquité. Je vois que Platon aussi s'est mêlé des croque-mitaines avant qu'il soit désigné en tant que tel, puisque dans la République, il écrivait, écoutez son injonction, que de leur côté les mères, se laissant prendre à leurs histoires, n'aillent pas effrayer les petits-enfants en leur racontant sottement qu'il y a, dit-on, des dieux qui se promènent la nuit, se présentant à nous sous une grande variété de formes étranges. C'est pour elles à la fois le moyen de ne pas blasphémer à l'égard des dieux et de ne pas rendre plus peureux les enfants. Dans Platon, déjà, toute la thématique qui est la nôtre ce matin en parlant des croque-mitaines. Exactement, c'est-à-dire faut-il effrayer les enfants pour faire passer un message d'interdiction? De violence, d'effroi, la peur. Oui, on retrouve ces thèmes. D'ailleurs, le plus souvent, les historiens condamnent cela de trouver des invariants dans l'histoire. Nous ne détestons pas absolument cette idée dans cette émission. Oui, et il resterait à les déterminer, précisément, tous ces invariants. Au travail, Jacques Berlioz, Exactement, les temps, les lieux. Donc les lieux, on en a déjà beaucoup parlé. L'eau, les puits, etc. Enfin, on peut faire comme ça. Déjà commencé, vous voyez, ce matin, la liste des invariants du croque-mitaine. Il a dit à quelques fois, Jacques Berlioz, que le croque-mitaine se confond avec un personnage historique réel, et ça va peut-être nous amener jusqu'à aujourd'hui, de Richard Cœur de Lion à Donald Trump. Vous allez nous expliquer tout ça. Oui, les parents ont souvent bon temps à prendre un personnage, le plus souvent honni ou haï, pour en faire un croque-mitaine. Ça, c'est tout à fait évident. Déjà, au Moyen-Âge, il y avait cela. Joinville, le grand biographe de Saint-Louis, rapporte à deux reprises, donc 50 ans après les fêtes, en quelque sorte, que Richard Cœur de Lion était un véritable croque-mitaine. On est au XIIe siècle, là. Voilà, au XIIe siècle, pendant la croisade. Richard Cœur de Lion s'est fait remarquer tant pour son courage que pour sa cruauté. Et les mamans musulmanes, pour faire taire leur enfant, disent « si tu continues à crier, le roi Richard va venir. Hein. Taisez-vous, voici le roi Richard. » Et même, il ajoute que les cavaliers arabes disaient à leurs chevaux, qui avaient peur de l'eau, les chevaux ont beaucoup peur de l'eau, des flaques notamment, ou qui refusaient de sauter par-dessus un buisson, lui disaient « mais est-ce que tu crois qu'il y a le roi Richard derrière ?» Donc c'était un croque-mitaine pour animal, qui est quand même tout à fait extraordinaire. On a là un témoignage tout à fait intéressant. On en a d'autres à l'inverse, où des chevaliers, des grands personnages arabes faisaient peur aux Byzantins, aux enfants byzantins. Enfin, il y a toute une série comme ceci. Et puis, aujourd'hui, on se sert notamment au Mexique, du président Trump comme croque-mitaine, puisqu'il a décidé donc d'établir ce mur pour empêcher que les Mexicains viennent aux États-Unis. Et donc les parents mexicains font passer l'horrible Trump pour un fin croque-mitaine. Et peut-être nos auditeurs ne s'attendaient-ils pas à ce que nous rejoignions Trump ces jours-ci par le truchement des croque-mitaines. Dans l'intervalle, beaucoup de personnages ennemis ont pu être assimilés à des croque-mitaines. Je pense en particulier à Guillaume II, toute la presse enfantine de la Grande Guerre présente Guillaume comme une sorte de croque-mitaine. Et on retrouve ça dans une chanson qui reprend l'air de « En passant par la Lorraine avec nos sabots ». Cette fois-ci, c'est « En rentrant dans la Lorraine avec nos flingots, avec nos fusils ». C'est une chanson de Xavier Privat qui est ici interprétée par la maîtrise, je salue, la maîtrise de Radio France en 2014. Nous y voilà, toujours, le croque-mitaine cité dans cette chanson, Jacques Berlioz. Oui, le croque-mitaine est toujours cité. Il faut voir qu'à cette époque, un peu avant la fin du 19e siècle, il y a beaucoup de chansons autour du croque-mitaine, des airs, des polkas, etc. Cela se débite dans des petites partitions. Et donc le mot est très employé. Et puis, on aboutit à cette chanson qui met en cause donc Guillaume II. Est-ce qu'on peut dire, si l'on considère pour finir notre 20e siècle, le début du 21e, que les croque-mitaines ont plus inspiré les musiciens que les gens de cinéma ou même de fabricants de jeux vidéo? Les compositeurs ont toujours été attirés par les croque-mitaines. Schumann, dans ses scènes d'enfance en 1838, hein, la 11e scène est consacrée aux croque-mitaines. Moussorgski, qui aimait beaucoup les enfants, que les enfants aimaient beaucoup, dans ses enfantines, met en scène croque-mitaines, et également dans les tableaux d'une exposition qui date de 1874, là aussi. Donc nous avons de nombreuses berceuses, des ballades, les morceaux de piano, et surtout le croque-mitaine fait florès chez les rockers, et notamment dans le hard rock, AC/DC, death metal, Motorhead. Je vous félicite pour votre compétence, Jacques. Oh non, merci, mais il est vrai que cela inspire beaucoup, comme le rock satanique, par exemple, des groupes de l'Europe du Nord ou certains groupes allemands. avec souvent d'ailleurs des paroles qui ne sont pas transcendantes, mais il y a toujours ce thème qui revient, celui du farouche croque-mitaine. Même Paul McCartney, en 1979, a composé une très jolie chanson sur Bogeyman. Il faut dire un mot de Bogeyman, oui. Bogeyman, mais là encore, on ne sait pas, ne me demandez pas l'étymologie de Bogeyman, j'ai relu un long article sur le sujet. On n'en sait rien non plus. Les croque-mitaines fournissent des noms, mais se cachent dans leurs noms. Qui est Bogeyman en Angleterre? C'est l'équivalent de le croque-mitaine. Il apparaît plutôt sous forme humaine. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature d'horreur, quelque sorte. Stephen King, par exemple, a écrit une nouvelle tout à fait... abominable. Gore. Avec quelque influence, puisqu'il a vendu 350 millions d'exemplaires de ses livres dans le monde entier, King. Oui, mais cette nouvelle, d'ailleurs, est très bien faite. Hein. Là, je ne raconterai rien, mais elle a été adaptée au cinéma, d'ailleurs, de façon très médiocre. Et d'ailleurs, Stephen King vendait les droits aux étudiants de cette nouvelle pour $1. Et ainsi, les étudiants pouvaient faire un film, en général un court-métrage, sur cette nouvelle, quasiment ne payant pas de droits. On apprécie davantage en général le film d'animation « L'étrange Noël » de Monsieur Jack de Tim Burton, Caroline Thompson, Michael McDowell, réalisé par Selick en 1993. Un grand succès. Oui, un grand succès. Alors, le croque-mitaine intervient à la fin, mais l'histoire est tout à fait étonnante. C'est Jack Skellington qui est maître de l'épouvante et qui prépare tous les ans Halloween. Et puis, au bout d'un moment, il en a assez de faire toujours la même chose. Il dit, on va préparer Noël. Et il veut remplacer le Père Noël, qu'il enlève. Et il distribue des cadeaux aux enfants, mais alors ces cadeaux sont maléfiques, diaboliques, et font des ravages. Et donc, c'est abominable. Et le Père Noël est confié à la garde d'un croque-mitaine qui s'appelle Ouzi Boogie, qui n'est pas très sympathique avec lui. Ce croque-mitaine veut même tuer Jack. Enfin, c'est effroyable. Mais tout se termine bien. Mais c'est une excellente adaptation au cinéma. On a également, pour le cinéma japonais, un film tout à fait intéressant qui s'appelle « Un été avec Kou » de Keishi Hara, film qui date de 2007. Et c'est un kappa. Un kappa, c'est un croque-mitaine, donc, qui a été trouvé dans le lit asséché d'une dent de rivière. C'est un esprit de l'eau, hein, donc le croque-mitaine autour de l'eau. Et Kou, il s'appelle Kou, très bien reçu dans la famille, mais bientôt toute la ville est au courant. Et Kou décide de partir pour rechercher d'autres kappas. C'est un très joli film d'animation. Eh bien, nous allons, nous aussi, quitter le croque-mitaine, y compris dans sa version japonaise, non sans vous remercier, Jacques Berlioz, d'avoir fait ressurgir tout ce monde de réalité et de rêve. Vous nous préparez, je l'ai dit, un livre sur les croque-mitaines. Nous serons patients. En attendant, vous avez donné quelques indications déjà dans la revue qui s'appelait, ça remonte à 1998, Le Monde Alpin et Rodanien. C'était dans la revue régionale d'ethnologie. Vous aviez dirigé cette livraison de la revue. C'était à l'occasion, je crois, d'une exposition qui avait été faite dans le cadre du musée dauphinois à Grenoble. Oui, à la fois d'un colloque qui avait été fait. On avait parlé d'ailleurs des peurs scandinaves, des peurs grecques, etc. Et il y avait eu, en l'an 2000, justement, une exposition qui s'intitulait « Peur bleue ». L'enfant et les croque-mitaines. D'ailleurs, n'avait pas été facile à réaliser, puisque malheureusement, on manque d'objets. On a les noms, mais peut-on faire une exposition avec uniquement des noms? Eh bien, le musée dauphinois avait dit oui et avait pris le pari. Et l'exposition était assez réussie. Nicole Belmont a publié au Mercure de France en 1999, vous l'avez cité, chemin faisant, Jacques Berlioz, un ouvrage intitulé « Comment on fait peur aux enfants », suivi de « Les croque-mitaines, une mythologie de l'enfance ». Je signale aussi qu'avec Antoine Debecq, vous avez l'année dernière publié un ouvrage sur Jean Jacob, l'homme de 120 ans, doyen du genre humain, 1669-1790. C'est une histoire qui nous éloigne un peu des croque-mitaines. Un peu, c'est un peu le contraire d'un croque-mitaine. C'est un vieillard exemplaire qui est arrivé à l'âge de 119 ans à Paris, un peu poussé par sa famille qui servait d'exemple de vieillard qu'il fallait cultiver, parce qu'à l'époque de la Révolution française, on appréciait beaucoup les vieillards, mais qui en fait aurait été ou a été un imposteur. Et c'est une enquête un peu policière que j'ai menée avec Antoine Debecq, et c'est les résultats de cette enquête qui est livrée dans ce livre. Et c'est dissipé plus encore que les croque-mitaines dans l'espace. Oui, exactement. Merci Jacques Berlioz. On pourra trouver, vous le savez, une bibliographie complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez écouter, réécouter, podcaster cette émission. Le nombre des podcasts de France Culture s'envole en flèche. Samedi prochain, nous parlerons de Bordeaux. Bordeaux est au cœur de beaucoup d'actualités contemporaines. Eh bien, il faudra resituer cette grande ville dans la durée. Bordeaux au long cours, je recevrai pour cela Anne-Marie Coculin. Lundi matin, vous retrouverez à 9h le cours de l'histoire, comme chaque semaine, le cours de l'histoire de Xavier Mauduit, qui consacrera toute une série d'émissions au sujet suivant, ces figures qui ont façonné l'université. Peut-être y passerez-vous, Jacques Berlioz. Claus, huh? Ooh, I'm really scared. So you're the one everybody's talking about. You're joking. I can't believe my eyes. Et sur le fond musical du film que nous évoquions, L'étrange Noël de Monsieur Jack, je vous rappelle que vous venez d'entendre l'émission Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Yves Lehors, à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Gwen Michel. Je remercie aussi, je pourrais le faire chaque semaine, la documentation et la bibliothèque de Radio France. Dans quelques instants, je passerai le relais à Christine Ockrent pour Affaires étrangères. And I've nothing much to do. I might just cook a special batch of snake and spider stew. And don't you know the one thing that would make it work so nice? A roly-poly Santa Claus to add a little spice. Whoa! Whoa! Oh! Whoa! Yeah! I'm the Oogie Boogie Man. Release me now, or you must face the dire consequences. The children are expecting me, so please come to your senses. Ah, you're joking. I can't believe my ears. Would someone shot this fella? I'm drowning in my tears. It's funny, I'm laughing. You really are too much. And now, with your permission, I'm going to do my stuff. Well, what are you going to do? I'm going to do the best I can. Cause I'm Mr. Oogie Boogie, and you ain't going